il a fait l'ONU. Du bras droit de Hiéron, maudit soit le larron d'avoir trahi durant 30 ans notre patrie. Tech n'est profité de la bonté du roi pour le tromper à chaque fois. Il déformait la cause des problèmes, conseillait de mauvaises lois. Ainsi les Edéniens ont été exilés, alors qu'ils n'y étaient pour rien. Si Barathos les honore aujourd'hui, c'est la justice qui revient. Tiens, d'ailleurs, ils sont là. Je suis un peu choquée par leur simplicité. Le grand ordonnateur qui préside aujourd'hui est le digne héritier de son illustre père. Avec l'aide de Zek et de Loxa, il conduira notre pays vers le succès comme il se doit. Mais il s'apprête à parler de là-bas, écoutons dans la joie notre roi.